Et donc, je continue avec un autre micro, ce sera plus facile. Alors, quelles sont les répartitions actuelles dans le monde de l'art? Alors, tout d'abord, allons très vite. Il y a quelques chouchous qui sont ce qu'on appelle des grands artistes contemporains et qui tous appartiennent à la dynamique universitaire, intellectuelle de Marcel Duchamp, le ready-made, etc. Mais si cet art, certes nouveau, a supplanté les autres continuent d'exister, continuent de rendre, d'épanouir les gens, aussi bien collectionneurs qu'artistes. Et donc, l'idée, c'est justement de vendre le travail de chacun. Alors donc, déjà, dans un premier temps, on voit que la répartition n'est pas du tout bonne, puisqu'on ne vendra qu'une forme d'art, il n'y a qu'une forme d'art qui marche, et donc qu'une seule forme d'artiste, et donc qu'une seule forme de collectionneur. D'ailleurs, ces collectionneurs ne misent que sur la plus-value et sur ce qu'on leur propose. L'offre crée la demande. Donc, ceci est tout à fait triste, tout simplement parce que les artistes aujourd'hui ne vivent pas pour 90% d'entre eux. Quant aux galeristes, ils sont plus ou moins forcés de faire à peu près les mêmes choses, de racheter des artistes déjà cotés pour les surcoter, pour se racheter entre eux, etc. C'est donc la répartition actuelle. Elle fonctionne comment? À travers les galeries d'art, donc on achète une œuvre. Enfin, alors aujourd'hui, soit on loue à un galeriste sa galerie d'art, c'est très tendance actuellement, ce qui montre un marché assez catastrophiquement à la baisse, ou alors le galeriste un peu plus généreux décide de prendre un risque, ce qui était le quotidien d'hier, hein, pourtant, et il prend alors 40%, 50% de la vente de l'œuvre. Voilà, donc l'artiste se retrouve soit avec 60% ou 50% pour lui. Or, ces galeristes, déjà dans ces conditions extrêmes, sont très rares. Il y a très peu d'artistes qui bénéficient d'une exposition dans une galerie d'art. Donc, que reste-t-il? Il reste des gens qui arrêtent l'art, tout simplement parce que les toiles qu'ils font, ils doivent les stocker parce qu'elles sont invendues. Et 90% donc des artistes n'étant pas dans le marché classique, sur ces 90%, il y a à peu près, on va dire, 60 à 70% d'artistes qui ne vendent rien et qui du coup ne pratiquent pas leur art au quotidien, font quelques toiles très lentement au fur et à mesure. Donc Arsvalor a décidé, écoutez bien, ce point est très important, donc déjà de travailler sur une collection très particulière, c'est-à-dire il y en a combien? Il y a, attendez, je vais dire les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, on va dire une vingtaine de formats prédéfinis. Alors, donc, format A3, A2, A1, etc. Des prix allant de 100 euros, de 100 euros à 1000, à 10 200 euros. Donc de 100 euros à 10 200 euros. Et donc l'artiste, plutôt que de vendre son travail actuel ou passé, vendra une collection très spécifique où il proposera son style et sa signature. Donc par exemple, prenons l'exemple de Boiron, voilà, Boiron a un style particulier, donc Buren, les colonnes noires et blanches, et ben voilà, il vendra des colonnes noires et blanches, c'est son style et sa signature qu'il vend. Alors pour l'exemple d'un peintre qui met parfois plusieurs semaines à travailler sur une œuvre, évidemment, on vendra également l'intégralité des collections passées, mais la force de Hardvalor, son socle, sera basée sur la vente d'œuvres spécifiques qui sont le style et la signature. Donc, par exemple, prenons l'exemple d'Aaron Wiederfield. Lui met plusieurs semaines pour faire une œuvre. Et bien là, on lui demandera plutôt de faire des œuvres assez rapide. D'ailleurs, le temps d'exécution peut varier en fonction du prix. Bon, on le verra plus tard, mais on va dire, par exemple, pour un Jeff Aerosol ou un Banksy, il est capable de produire à peu près une vingtaine, trentaine, quarantaine d'œuvres en série. Pour les photographes, c'est extrêmement rapide. Pour les dessinateurs, on ne leur demandera pas de faire du pointillé extrêmement précis, etc. On leur demandera de faire des œuvres beaucoup plus rapides, encore une fois, où ils vendront leur signature en tant qu'artiste et également leur style. Voilà, c'est très simple. Donc les collectionneurs, eux, pourront enfin profiter d'œuvres un peu moins chères, mais ayant tout autant de valeur. Alors, la répartition, c'est le nerf de la guerre. Comme nous l'avons vu, l'intégralité, 90% des artistes ne vivent pas. Pourquoi ? Parce que il leur manque la force commerciale, une force de spéculation et une grande société pour les soutenir. C'est pourquoi nous avons décidé de réfléchir et de se demander comment faire. Alors, l'artiste, évidemment, s'il veut vendre son travail, doit énormément baisser son pourcentage. Pourquoi ? Parce que le reste de la marge commerciale étant très importante, cela crée, écoutez bien ce que je dis, c'est capital là, c'est l'intégralité du cœur du projet. L'artiste, en baissant énormément sa marge de profit sur une œuvre, peut vendre beaucoup plus d'œuvres en proposant une marge commerciale beaucoup plus grande. Par exemple, je vends un tableau à 100 euros, eh bien j'en vends un, on va dire, toutes les semaines. Par contre, si je le vends 25 euros et que j'offre 75 euros au commercial, lui peut m'en vendre 40 par semaine, tout simplement parce que cela sous-entend toute une armée de salariés, de commerciaux, etc. Donc, si je vends, le commercial vend mon œuvre à 100 euros, il touche une forte commission, on investit dans la spéculation pour que le collectionneur, lui, voit le prix de l'œuvre qu'il a acheté augmenter considérablement, et il faut une société pour structurer tout cela. Donc on voit que la répartition est très simple. On a besoin d'un artiste qui fournit le stock, d'un commercial qui le vend, d'un investissement spéculatif qui fait en sorte que les acheteurs achètent l'œuvre parce que on assure une hausse des prix, d'ailleurs très saine et très logique, et une société pour gérer et pour mettre en place tout ça. Donc on voit qu'il y a quatre interlocuteurs et on divise donc le prix tout simplement par 4. Voilà. Ça veut dire que l'artiste touche 25% de son œuvre, ce qui est très peu comparé à la concurrence. Par contre, il vend beaucoup, beaucoup plus d'œuvres et ainsi, il peut pratiquer son art. Alors, d'autres artistes me diront, moi ça ne m'intéresse pas de vendre une œuvre qui n'est pas une œuvre lichée, moi je travaille plutôt sur le pointillisme, etc. Ben, cet artiste, qu'il continue à faire sa vie de son côté, s'il gagne de l'argent, je l'espère pour lui, tant mieux, mais par contre, si au bout de 2, 3, 4 ans, il a des problèmes d'argent ou il veut avoir un peu plus d'argent pour investir dans un atelier, il sera bienvenu pour créer dans ces conditions-là une collection qui lui apporteront donc des gains. Alors je verrai plus tard avec vous les gains de la quantité. Ce n'est pas les gains d'une œuvre divisé avec un prix divisé par 4, enfin avec un gain pour l'artiste divisé par 4, c'est plutôt beaucoup d'œuvres que nous vendrons. On verra ensemble les chiffres, je vais vous en parler, mais je ne suis pas là pour vendre un ou deux ou trois œuvres d'un artiste, mais pour le mettre au travail, qu'il travaille 7 heures par jour, 7 heures par jour, oui, 5 jours par semaine, qu'il prenne des vacances s'il veut, là, mais comme le font les artistes chinois d'ailleurs, qui ont un rythme de travail, qui prennent la chose très sérieux, eh bien cela assurera aux artistes des salaires assez élevés, plutôt que de fantasmer en se disant « Ah, je vais vendre ma toile tout seul, 3000 euros », ils diront « Ben non, je vais plutôt faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres et vendre, que les commerciaux, beaucoup de commerciaux vendent mes œuvres et avoir quasiment un salaire fixe allant de, disons, 1200 à 7000 euros, voire plus ». Voilà, donc la répartition, nous venons de la voir, c'est 25% pour l'artiste, 25% pour la part commerciale, 25% pour la spéculation et 25% pour la société, ce qui fait en sorte que chaque œuvre est défendue par 4 personnes, l'artiste, les commerciaux, la spéculation et la société. Maintenant, nous allons rapidement passer à la deuxième phase, je vais essayer d'aller le plus vite possible, le prix de l'œuvre. Alors, le prix de l'œuvre, évidemment, les œuvres que vous avez actuellement, vous fixez le prix. Si vous vous dites, ben, j'ai une œuvre qui vaut 3000 euros actuellement, je ne veux pas la sacrifier et la vendre et gagner seulement 25%, ne la vendez pas. Par contre, dans vos mains valent de l'or, prenez des feuilles, prenez des supports, créez des toiles spécifiquement pour Art Valor pour faire de l'argent. C'est un peu les ascédiques de l'artiste, enfin plutôt l'employeur, le manpower intérim ou je ne sais plus trop quoi, je ne sais pas quelle compagnie existe, mais c'est, nous sommes ceux qui salarions les artistes. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les artistes, en proposant un stock, salarient la finance, les commerciaux, les spéculateurs et les grandes sociétés de haute finance. Très intéressant. Alors donc le prix des œuvres de ces collections particulières qui sont vente du style et de la signature sont de 100, alors je vais vous dire, il y a une 19 prix, il y a 100 euros. Pourquoi 100 euros? Parce que un commercial, lorsqu'il va voir en temps de crise, ne l'oublions pas, des clients, s'il leur propose des œuvres d'art à 100 euros, donc 100 euros c'est quoi? C'est une feuille à 4 ou à 3 sur canson avec le style du dessinateur et sa signature. Donc 100 euros, c'est pas cher, ça permet, n'oublions pas, que puisque nous songeons à la vie des artistes et à leur assurer des salaires, n'oublions pas d'assurer aux commerciaux des salaires et un travail. Il faut penser à tout le monde, voyez-vous. Donc vendre des œuvres très chères et n'en vendre quasiment jamais, c'est très triste, surtout qu'on se déplace pour rien. Là, au moins, en vendant une œuvre à 100 euros, le commercial fait du chiffre un peu tous les jours. Il fait 9 ventes sur 10, vous voyez, à 100 euros, c'est pas des épargnants pour eux. Donc, d'ailleurs, on vend l'art d'une manière patrimoniale. C'est-à-dire, on va voir des épargnants plutôt que des collectionneurs, on leur propose des plus-values, et au lieu d'attendre, comme un galeriste dans mon bunker, que les clients viennent, on vend à la manière de la haute finance, c'est-à-dire qu'on y va, on va directement envoyer des armées immenses de commerciaux qui sont habitués, qui ont déjà des grands portefeuilles clients et qui vont leur proposer ce nouveau produit. Alors donc, on en était au prix. Alors il y a des œuvres de 100 euros, deux plus loin, des œuvres qui coûtent 100 euros, ensuite 250 euros, 500 euros, 700 euros, 900 euros, 1200 euros, 1400 euros, 1700 euros, 2400 euros, 2900 euros, 3600 euros, 4200 euros, 5400 euros, 6300 euros, 6900 euros, 7800 euros, 8700 euros, 9500 euros et 10200 euros. Voilà, pour cette collection particulière qui est la vente du style et de la signature. Alors si vous avez des œuvres de ce prix-là, je ne sais pas si c'est bon pour vous de les vendre dans ces conditions-là, parce que ça vous fait, c'est mieux d'avoir 25% que 0% et d'en faire beaucoup et d'en vendre beaucoup plutôt que rien. Mais sinon, moi je vous conseille, c'est plutôt de vous dire, bon ben, j'ai mon travail artistique d'un côté, je le continue, mais par contre il me faut de l'argent, donc ce que je fais, c'est que je vais faire un travail spécifique avec Art Valor qui va m'assurer une sorte de pré-retraite, une sorte de revenu permanent, etc. Donc on voit que par exemple pour une œuvre à 100 euros, l'artiste gagne 25 euros, pour une œuvre à 250 euros, l'artiste gagne 62 euros, le commercial 62 euros, la spéculation c'est une part qu'on investit pour l'artiste, donc c'est personne d'autre qui la gagne que l'œuvre elle-même en fait. Le commercial, enfin ça avantage un peu tout le monde qu'on investisse 62 euros, bon là c'est un exemple, mais par exemple, là je vous laisse faire les calculs, mais pour une œuvre à 10 200 euros, on investit 2 550 euros dans la part spéculative. Donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui gagne cet argent, ce n'est pas la société, ce n'est pas le commercial, ce n'est pas l'artiste. Qui gagne? Ben, c'est l'œuvre et un peu tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en investissant 2200, 2500 euros, ben, c'est surtout l'épargnant d'ailleurs, qui en spéculant, en investissant 2500 euros, l'épargnant lui se retrouve avantagé parce que son art est une promotion médiatique. Et puis aussi dans le réseau de l'art pour son œuvre. C'est-à-dire qu'il a investi et il n'a rien à faire par la suite. C'est nous qui gérons tout. Bon, nous avons vu la répartition. Alors pour l'acheteur, très rapidement, je sais que je m'adresse énormément aux artistes dans cette vidéo, mais nous allons voir pourquoi c'est intéressant d'acheter une œuvre comme celle-ci. Alors je vais prendre rapidement. On va dire que les artistes décident de faire une œuvre qui vaut, allez, 700 euros. Donc, l'œuvre à 700 euros la première année, puisqu'il y a de la spéculation dessus, que nous allons créer des sites internet qui, de même, jour après jour, augmenteront le prix de l'œuvre. Et aussi, nous allons ajouter dans cet algorithme, donc c'est 7% de plus-value en moyenne pour l'art, mais nous allons ajouter un algorithme spécifique. C'est-à-dire un site internet qui comptabilisera le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires et qui optimisera le prix de certaines œuvres parce que celle-ci, c'est normal, hein, si j'achète un tableau et qu'il est vu 1 million de fois en France et qu'il est liké 200 000 fois et qu'il y a 300 000 commentaires dessus, c'est normal que quand quelqu'un arrive chez moi, il dit « Ah, ben, je la connais ton œuvre, c'est un original, je l'ai liké, je l'ai commenté, je l'ai vu 40 fois, etc. » C'est normal que l'œuvre soit donc plus célèbre, plus populaire. D'ailleurs, c'est une sorte d'élection du cœur, vous voyez. Et donc, c'est normal que cette œuvre augmente. Bon, là, nous aurons en tout cas un prix fixe, c'est-à-dire que l'œuvre achetée 700 euros, la première année, l'épargnant pourra la revendre sur notre site 749 euros, donc 49 euros plus cher en un an. Ceci signifie évidemment qu'il y a une plus-value naturelle dans l'art qui est entre 5 et 6%, mais aussi que la forme d'Art Valor crée une collection particulière, et aussi notre algorithme spécifique d'estimation du prix. D'ailleurs, le prix pourra un peu baisser si l'œuvre n'est pas likée, mais jamais au-delà des 7% de plus-value. Alors donc, je continue la première année une œuvre qu'un acheteur a acheté 700 euros, la première année, il pourra la revendre sur Internet ou également auprès de notre réseau de commerciaux, mais à des conditions un peu particulières. Il pourra la revendre 749 euros. La deuxième année, il pourra la revendre 801 euros. La troisième année, 857 euros. La quatrième, 917. Et ensuite, la cinquième année, nous investissons la part spéculative, la moitié. C'est-à-dire que quand il a investi 700 euros, 25% allaient dans la part spéculative. Bon, là, en l'occurrence, ça veut dire que 88 euros seront investis pour l'œuvre. Alors, 88 euros, mais comme l'artiste vend en 5 ans, il vend à peu près, on va dire, entre 100 et 1000 œuvres, ça fait qu'on passe plutôt à 8 800, à 88 800 d'investis pour toute la collection. D'investis, donc c'est la moitié de la part spéculative. Ensuite, cinquième, la sixième année, le fait de. Alors, la cinquième année, donc, soit on payera des publicités dans les magazines tels que Art Press, certainement pas Beaux-Arts Magazine compte tenu de son directeur actuel, Art Press, Libération, des galeries d'art, des foires exceptionnelles, des foires pas exceptionnelles, les foires classiques d'ailleurs. C'est aussi que la part spéculative, tous les artistes mettent leur argent en commun pour avoir une très grande force de frappe. Alors évidemment, quand tous les artistes ont mis 25% de gains dans la part spéculative, évidemment que très rapidement, la force de frappe de l'intégralité des acteurs est considérable. Ça veut dire que louer le Louvre, louer le MoMA, qui d'ailleurs louent tous des espaces, sera extrêmement simple. Donc, au bout de 5 ans, évidemment qu'une œuvre achetée 700 euros vaut 1 200 euros. Pourquoi? Parce que non seulement elle est connue sur le web, elle est dans un processus particulier, mais aussi parce que elle est exposée la cinquième année au MoMA dans une galerie d'art. Et donc, l'artiste est coté, professionnalisé, et ça se booste. Voilà. Ensuite, l'œuvre qui est à la sixième année, on continue la plus-value de 7% à peu près. Donc, ça fait que l'œuvre est à 1300, 1400 la septième année, 1500 la huitième année, 1600 la neuvième année. Je dis les chiffres grosso modo, hein. Je dis pas en fait c'est 1599,63 cents. Ce sera un prix fixe. Et ensuite, la dixième année, on réinvestit, comme je vous avais dit qu'on investissait la moitié de la part spéculative, là on réinvestit une deuxième partie, c'est-à-dire qu'on réinvestit 88 euros fois le nombre d'œuvres et le nombre d'artistes, une somme considérable évidemment, et donc là l'œuvre prend environ 33%. Ça veut dire que l'acheteur a tout intérêt d'acheter une œuvre de nos collections. Pourquoi ? Parce que les artistes, les spéculateurs, les commerciaux et les financiers, tous ont décidé de faire augmenter le prix de son œuvre sur à la fois sur la plus-value classique, mais aussi sur des coûts médiatiques et une intelligence collective. Donc une œuvre achetée 700 euros, au bout de 10 ans, elle vaudra 2128 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais là, c'est contrôler, vous voyez, et contrôler et booster, aider, voyez-vous. Donc, une œuvre à 2128 euros, voilà. Donc, les épargnants gagnent de l'argent, évidemment, en achetant ces œuvres s'ils veulent les revendre. D'ailleurs, ils peuvent vendre les œuvres à tout moment le prix qu'ils veulent. Plus ils le vendent cher, mieux c'est pour nous. S'ils le vendent moins cher, ben, ils voient avec nos commerciaux, puisque après, on a une répartition que le commercial, déjà, devra gagner 25%. Bon, là, je ne vais pas trop vous embrouiller, on en parlera plus tard, parce que je pars dans tous les sens. Alors, on va voir les gains des collectionneurs assez rapidement. En moyenne, c'est une plus-value de 12% par an, par ce système-là. Donc, une œuvre achetée 100 euros, eh bien, au bout de 10 ans, on la revend 200 euros. Vous voyez, on double, j'achète 100 euros, je revends l'œuvre, elle vaut 200 euros, ben, non, elle vaut 300 euros, donc j'ai gagné 200 euros en plus du prix de l'œuvre. J'ai envie de fumer une clope, d'ailleurs je suis passé à la cigarette électronique, c'est très pratique. Bon, on va voir pour une œuvre à 700 euros, le collectionneur se retrouve donc avec une œuvre qui vaut au bout de 10 ans 2000 euros, donc il a gagné 1400 euros. Bon, on va passer, je vais pas vous faire tous les chiffres. Pour une œuvre à 3600 euros, ça vaut 10 000 euros à terme, donc on gagne 7 000 euros. Et puis je vais faire une œuvre à 10 200 euros. Donc aujourd'hui, vous investissez 10 200 euros. Dans 10 ans, votre œuvre, parce qu'elle aura été exposée au MoMA plusieurs fois dans des galeries d'art, qu'elle aura été. Vous rendez compte, c'est fantastique, vous achetez une œuvre. Systématiquement, vous achetez Art Press 5 ou 10 ans après et vous voyez que votre œuvre est dans Art Press. Vous dites, mais ils sont gentils, c'était à moi finalement en tant que collectionneur de faire ma pub. Ben non, puisque la répartition est ainsi grâce à l'artiste d'ailleurs, l'artiste, quand vous lui vendez une œuvre, vous lui vendez aussi, y compris aussi dans le prix, que son œuvre soit dans Art Press Magazine. Donc un jour, on lui envoie Art Press, il ouvre et dit « Oh punaise, chérie, regarde, c'est notre œuvre, j'espère que c'est l'original qu'on a, parce que c'est fantastique, et évidemment, ce sera l'original. » Donc l'épargnant, l'investisseur, lorsqu'il achète une œuvre 10 200 euros, au bout de 10 ans, elle vaut 31 000 euros, parce que c'est une œuvre, d'ailleurs, elle sera vendue pendant une expo au MoMA ou dans une grande galerie d'art, etc. Elle vaudra 31 000 euros, donc de 10 000 à 31 000 euros. On voit qu'on est dans un produit extrêmement rentable. C'est d'ailleurs plus rentable que les assurances-vie, plus rentable que que certains métaux précieux, plus rentables que la bourse dans certains cas parce qu'il n'y a là aucun risque et que l'effort est pensé, maîtrisé. On n'investit pas sur un feu d'artifice de Wall Street, on investit plutôt sur un terrain où on sait inévitablement que l'herbe poussera, que le blé poussera, que les noix de coco, je ne sais pas trop quoi, pousseront, vous voyez, à la vitesse de la nature et avec une intelligence et un savoir-faire. Donc, si j'investis 10 000 euros, que mon œuvre vaut 31 000 euros au bout de 10 ans, et bien évidemment, je gagne 20 000 euros, ben, c'est très très bien. C'est très très cool. C'est non seulement. C'est à la fois, voyez-vous, très performant et à la fois très sage et très sain et très équilibré. On n'a pas voulu faire des plus-values immenses, justement, parce que il faut que l'acheteur, lorsqu'il revend son œuvre 10 ans plus tard, propose un prix cohérent. Vous voyez ? Voilà. Donc ça c'est très important. Maintenant nous allons voir, je sais que vous êtes artiste et que tout cela vous échappe un peu, mais j'ai essayé de vous expliquer déjà pourquoi on vous prend 25% sur le prix. Ben, c'est pour que l'acheteur achète, évidemment, et qu'il achète quelque chose de rentable. Et ça, les commerciaux en ont besoin lorsqu'ils proposent votre œuvre. Certes, elle est belle, certes, etc. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sortent difficilement leur argent. Donc, si on leur propose d'acheter quelque chose, il faut au moins, au minimum, qu'ils aient le tableau, certes, mais aussi qu'ils puissent le revendre et qu'ils gagnent de l'argent en le revendant. C'est tout à fait normal. Maintenant, nous allons voir la partie des commerciaux. Alors, les commerciaux donc vendent des œuvres entre 100 et 10 200 euros. Ça veut dire que je vais voir mon banquier, évidemment, je lui proposerai une œuvre à 10 000 euros. Il me dira, ah, vous savez, c'est dur, moi je lui proposerai une œuvre à 2400 euros. Il me dit, oh non, j'ai pas trop envie. On lui dit, bon, bah, essayez au moins, et là, on lui vendra une œuvre à 100 euros. Et là, 100 euros, c'est très facile, puisque nos commerciaux, bon, c'est très facile, les commerciaux s'appellent des CGPI. Des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Il y en a à peu près 20 000 en France qui tous ont beaucoup de problèmes parce que ils vendaient plutôt des assurances vie, des appartements, etc., des produits assez chers. En ce moment, pendant la crise financière, tous les produits financiers s'écroulent. Donc, on leur sauve la vie un peu en leur offrant des produits artistiques. Alors, il y a d'autres sociétés qui vendent de la spéculation, par exemple, on va dire, sur le papier parchemin, un truc signé par Victor Hugo qui prend de la valeur, etc. Déjà, des commerciaux vendent ce produit. C'est une véritable réussite commerciale, sauf que les gens ne possèdent pas les œuvres chez eux, n'en jouissent pas au quotidien. Nous, au moins, les gens, d'ailleurs, qu'ils fassent très attention à leurs œuvres, puisqu'elles doublent, triplent du prix parfois, ils jouissent de leurs biens en ayant chez eux un tableau qui est buzzé sur Internet, qui est dans les magazines, qui est exposé dans les galeries d'art, qu'ils peuvent exposer dans les galeries d'art quand ils veulent, sans payer quoi que ce soit. Donc, alors, les commerciaux, grosso modo, ici, on a fait, pour cette collection, des salaires, bon, je vais passer assez vite, mais c'est très important que vous voyez que le système est pensé au maximum, en fait, parce que sinon, vous allez vous dire, bon, il me prend 25% pour la spéculation, ça j'ai compris, mais il me prend 25% pour les commerciaux. Et bien, tout simplement, un exemple, un commercial vend, on avait dit chez le banquier, une œuvre à 2400 euros, eh bien, il gagne combien ? Il gagne 600 euros. Vous voyez ? Donc, il va voir son banquier, il lui propose un truc à 2000, le banquier refuse, il lui propose quelque chose à 2400, il gagne 600 euros. Vous vous levez le matin pour vendre, pour créer des œuvres en tant qu'artiste, et bien lui, il se lève le matin pour vendre des œuvres. Et pour 600 euros, ça vaut le coup d'aller voir un client, lui proposer une œuvre à 2400 euros. D'ailleurs, dans le monde commercial, 25%, c'est dans la finance, on dit 25 points, c'est énorme. Ce qui nous permet de recruter, en fait, on est beaucoup plus concurrentiel que l'intégralité, même des banques, des iPhones, de tout ce que vous voulez, assurance vie, immobilier. L'immobilier, c'est entre 3 et 6%. Les assurances vie, pareil. Vous voyez, là, on est vraiment dans un, dans une commission qui est extrêmement forte. Ça nous permet de recruter beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerciaux. Puisqu'ils ne font plus de chiffre d'affaires aujourd'hui, il y a à peu près entre 20 000 et 40 000 commerciaux qui meurent littéralement de faim en France. Bah, leur dire, vous savez, à ce prix-là, rien que vendre une œuvre, enfin, on va prendre l'exemple d'une œuvre, par exemple, à... Alors, il faut, bah voilà, une œuvre à 6 300 euros, une œuvre d'art ou à stock, hein, d'œuvre d'art, mais pour une somme de 6 300 euros, bah, le commercial gagne 1 500 euros. Bah, ouf, il s'est sauvé la vie. Pour une œuvre à 10 000 euros, il gagne 2 500 euros. Bah, il en vend 2, 3, 4, voilà, il vit très bien. Ça veut dire que, grosso modo, hein, pour avoir 5 000 euros, il faut vendre 2 œuvres à 10 000 euros. D'ailleurs, nous allons voir immédiatement ces chiffres. Donc, pour un commercial, bah alors, prenons l'exemple, pour un salaire souhaité de 1 200 euros, il doit vendre 48 œuvres à 100 euros par mois. Bon, pour un commercial, c'est facile, il doit vendre 19 œuvres à 250 euros, c'est facile pour lui aussi, vendre 10 œuvres à 500 euros par mois, 10 œuvres à 500 euros par mois, pour eux, vraiment, c'est très facile. Et c'est là qu'on voit justement que les 25% qui sont donnés aux commerciaux, c'est donner de l'argent à des gens dont c'est le métier de vendre. Si vous, en tant qu'artiste, vous êtes capable, on va prendre l'exemple, de vendre 48 œuvres à 100 euros en un mois, ou d'en vendre 19 à 250, ou d'en vendre tout simplement 4 à 1200 euros par mois. Si vous, en tant qu'artiste, vous êtes capable de vendre 4 œuvres à 1200 euros par mois, eh bien faites-le. Je vous recrute comme commercial immédiatement, artiste commercial, vous voyez. Quoi d'autre? Si vous êtes capable de vendre une œuvre à 4200 euros par mois, tous les mois, sans jamais vous arrêter, faites-le, vous, chers artistes. Or, ce n'est pas votre métier, c'est le métier des commerciaux. C'est pour ça qu'on voit donc que le cadre dédié aux commerciaux est capital, tout simplement parce que vous ne vendez plus, là vous allez vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il faut vraiment produire, hein, là, dans une logique comme ça, il faut produire pour que les commerciaux aient un stock à vendre. S'il n'y a pas de stock, à un moment donné, on laisse tomber l'artiste, on passe à d'autres artistes, vous voyez, pour vraiment avoir un stock. Donc, grosso modo, bon là, je ne recrute pas des commerciaux, mais pour faire plus ou moins, il y a un tableau, mais si un commercial veut gagner 1200 euros, on lui conseille plutôt de vendre 4 œuvres par mois à 1200 euros. Par exemple, bon là, c'est... Là, je ne recrute pas des commerciaux, je parle aux artistes, mais quand on parle aux commerciaux, on doit évidemment leur dire que c'est faisable, que c'est réalisable. Par exemple, si on fait une vente tous les 3 jours, on conseillera plutôt de se situer dans des œuvres à 4200 euros pour faire un salaire de 7200 euros par mois. Bon, après, vous débrouillez pour les charges. Maintenant, nous allons voir le salaire de l'artiste, enfin. Alors, donc, ici, je vais rapidement vous parler de vos collections existantes, parce qu'évidemment, vous entrez dans le processus, mais vous pouvez déjà vendre les œuvres que vous avez déjà. Donc, on va dire, imaginons un artiste à, 30 œuvres qui valent, 30 œuvres qui valent 1200 euros. Et il est capable d'en faire. Il a besoin de cash, il fait 30 œuvres à 1200 euros, nous on lui vend, on lui donne 9000 euros le mois d'après. Il nous donne ses 30 œuvres, elles valent 1200 euros, donc normalement ça devrait faire 30000 euros de gain, maintenant on a vu la division. Mais par contre ça lui fait 9000 euros, pourquoi? Parce qu'il a une armée de commerciaux. Alors là c'est très simple, hein, puisque je suis dans la partie négociation avec les artistes, autant les commerciaux, ce sera beaucoup plus dur de les... beaucoup plus technique. Mais tout autant faisable, mais beaucoup plus technique de les recruter. Autant un artiste, s'il me dit sacrifier mes œuvres qui valent 30 000 euros, les sacrifier 9 000 euros, je ne veux pas, eh bien moi je lui dirais tout simplement et très poliment combien il a gagné ce mois-ci. Voilà, bon, s'il me dit j'ai gagné 9000 euros, je lui dis bah, c'est très bien, continuez, quoi. Et s'il me dit bah, j'étais au RSA, j'ai gagné 1200 euros en ramant pour vendre mes œuvres, je lui dis bah, nous, on vous propose 9000 euros. En vendant, donc, on a vu un stock de 30 toiles à 1200 euros, on vous donne 9000, c'est très, très, très, très bien. D'ailleurs, les autres ne donnent, les galeristes ne donnent que 15% de plus, hein, c'est pas beaucoup, sauf que eux en vendent une ou deux quand ils en vendent, parce que souvent ils n'en vendent pas du tout. Et nous, on vend la trentaine en un mois. On l'a vu parce que les commerciaux ont une énorme commission et que cette commission, bah, ça les motive pour le chiffre. L'artiste est motivé pour trouver des collectionneurs, bah, le commercial est motivé pour trouver des épargnants afin de faire du chiffre. Je vais essayer d'aller vite. Bon, imaginons un artiste, un stock. On va faire les petits artistes qui font à peu près une centaine, on va dire plus d'ailleurs. Donc, ils font une centaine de dessins à 3 par mois. Et qui les vendent 250 euros. Bon, vous voyez, je fais une centaine de A3 qui valent 250 euros. Moi, je suis salarié, 6250 euros. Voilà. Franchement, c'est mieux que le chômage. C'est mieux que tout, en fait. Tout simplement parce qu'on met en adéquation les artistes et les commerciaux. Bon, là, je vais faire des cas extrêmes pour des artistes contemporains qui ont fait une série de 140 œuvres et qui les vendent très cher parce qu'ils sont plutôt à 10 200 euros l'œuvre. Donc, une 140 œuvres à 10 200 euros. Bon, les salariés, mensuellement, 357 000 euros. On va faire, par exemple, pour un photographe qui vend ses photos, on va dire, 3600 euros. Allez, on va dire 2900 euros. Donc, il imprime. Bon, il faut savoir que le prix d'impression, les châssis, les feuilles, etc., c'est payé par la société. Parce que déjà que l'artiste sacrifie beaucoup, on fait un geste aussi, c'est évident, on fait un geste d'ailleurs sur la marge qu'il nous donne. Donc 2900 euros, un photographe vend, allez, on va baisser le prix pour que ce soit un peu tout le monde, l'artiste standard, il vend ses photos 2400 euros, il va en faire 140 parce qu'il en a 140 bonnes, il va en faire 140 par mois. Combien on les vend? Combien il gagne plutôt? Bon, par mois, il gagne 84 000 euros. Bon, je pense qu'à partir de là, je n'ai plus besoin d'argumenter sur le gain et les 25%, mais juste sur la faisabilité du produit. Mais on voit que la faisabilité est assurée par la voracité, le savoir-faire, la lucidité financière des commerciaux qui, eux, peuvent vendre un produit qui cartonne parce que, encore une fois, 25% ont été investis dans la spéculation. Et donc, les épargnants achètent l'œuvre parce qu'ils savent que le prix double ou triple et qu'en plus, ils pourront faire... leur œuvre sera vendue dans Art Press, il y aura une pub dans Art Press, elle sera vendue dans des galeries d'art. Quand il le veut, il téléphone, allô, je veux vendre mon œuvre d'art, ok, vous allez dans telle galerie, c'est gratuit, hop, vous allez la vendre. Quoi d'autre? Parce que ensuite il sait que son œuvre sera exposée au MoMA. Alors vous allez dire, ah, une sélection quand même pour faire le MoMA. La sélection, elle est très simple. Le MoMA fait sa sélection sur les œuvres d'art contemporain, nous on paye. Point barre. Je vous loue le MoMA combien? C'est 200 000, 400 000, 800 000. J'ai l'argent, comment je l'ai? Ben, il y a 25%, souvenez-vous. 25% du prix de l'intégralité des œuvres qui est dédié à ça. Une galerie d'art, une grande galerie d'art dit, ah, j'ai quelques problèmes financiers, vous voulez louer votre galerie d'art 30 000 euros la journée? Pas de problème, j'ai. Et pareil, également, dans la partie spéculative, on créera, évidemment, on louera des galeries, certes, on louera des espaces déjà existants, mais on créera des galeries éphémères d'un an ou deux ans, où là, on sera totalement propriétaire de la galerie, on pourra d'ailleurs revendre les baux, et aussi on créera des galeries permanentes. Est-ce que je continue avec l'artiste? Oui, mais on reverra cette partie un peu plus tard, la partie spéculative, c'est la partie juste après. Ensuite, le barème des prix. Alors, le prix d'une œuvre. Ah oui, voilà. Donc, Là, on a vu les prix sur un travail que vous avez déjà. On va prendre maintenant l'exemple d'un peintre, d'un dessinateur, etc., qui veulent faire non pas vendre la collection qu'ils ont déjà à ces conditions-là, mais ils se disent, bon, ben, moi, je veux travailler. J'ai pas fait d'argent du tout pendant ces 4-5 années, voire mois. Je veux me faire un salaire. Donc, ce qu'on demande, par exemple, pour un artiste qui fait des œuvres, un artiste débutant, il fait des A3 qui valent à peu près sur le marché 100 euros. Donc, on lui demande de faire. Bon, comment je vais faire pour vous expliquer la chose? Parce que, de rien, j'arrive à, même si c'est un peu complexe et confus, j'arrive quand même à vous expliquer la chose. Bon, je vais faire différemment. Le prix d'une œuvre spécifique. On a 19 formats, aussi 19 cotes, et c'est un format à la fois la taille du papier, mais un format temps également. Alors 100 euros, c'est une heure de travail. Bon, c'est un bon salaire, hein, sachant que d'habitude, ailleurs que dans le monde de l'art, 100 euros de l'heure, c'est plutôt entre 5 et 8 euros de l'heure. Mais c'est pour ça, les artistes ont de l'or dans les mains. Donc on met en place cette chose. Donc une œuvre, on travaille une heure à peu près, hein, ben c'est 100 euros. 100 euros, mine de rien, une heure de travail sur une feuille A4, ça fait un très très beau résultat et ça vaut les 100 euros. Hein. Donc une œuvre à 100 euros, c'est une heure de travail, une œuvre à 250 euros, c'est 3 heures de travail, une œuvre à 500 euros, c'est 5 heures de travail, une œuvre à 700 euros, c'est 7 heures. Après, bon, 1000, bon, je passe, hein, je vais pas faire tous les chiffres. Une œuvre à 1700 euros, c'est 15 heures de travail. Une œuvre à 4200 euros, c'est 23 heures de travail. Une œuvre, c'est fatigant de dénoncer tout, mais j'essaye de vous, que vous puissiez tous un peu vous situer, les débutants comme les confirmés, ceux qui prennent beaucoup de temps pour faire leurs œuvres comme ceux qui font du magic painting. Une œuvre à 8700 euros, c'est à peu près 37 heures de travail. 33 heures. Et une œuvre à 10200 euros, le maximum sur une série, hein, vous pouvez faire d'autres œuvres plus chères, etc. Donc une œuvre à 10200 euros, c'est 37 heures de travail. Alors là, il y a plein de cas de figure. Par exemple, c'est une œuvre très grande, une œuvre petite, etc. Là, le prix, on a déjà tout l'algorithme de créer. En fait, grosso modo, vous amenez votre œuvre. Ça peut être, par exemple, un A1. Le A1, Banksy l'a fait en 10 minutes. Bon, ben, le prix, il n'est pas estimé en fonction de l'heure, du nombre d'heures, mais plutôt du format, de la cote, etc. Parce que votre cote, évidemment, est prise en compte. Un artiste... mais là, quand je vous ai dit les heures de travail, c'est pour l'artiste de base. Celui qui a vendu des œuvres, mais qui n'en vend pas beaucoup, qui veut se mettre au travail. Je vous dis, encore une fois, l'exemple des artistes chinois est excellent. Ils travaillent nuit et jour, ils sont très sérieux. Quand on leur parle d'argent, ils comprennent immédiatement. Quand on leur parle d'intermédiaire, de part spéculative, etc., ils comprennent tout de suite. D'ailleurs, c'est très simple. Hein, si... j'allais dire que si les artistes français n'étaient pas intéressés, mais en fait déjà les artistes français, j'ai fait le test, sont tous conquis. Je vous donnerai les chiffres un peu plus tard. Ainsi que les commerciaux, il y a déjà des commerciaux qui sont conquis. Donc nous allons passer, nous allons voir rapidement, donc de base, un artiste moyen, il fait 100 œuvres, elles sont jolies, il met une heure pour les faire. Ça signifie que par semaine, il peut en faire 35 en travaillant 5 jours par semaine. Pendant 7 heures par jour, il fait 35 œuvres d'une heure. Mais une heure, il fait 35 œuvres par semaine. Ça fait 140 œuvres par mois. Pendant tout le mois, il a travaillé. Pourquoi ? Les autres travaillent tous les jours. Ils se lèvent à 9h, ils se lèvent le matin, ils travaillent de 9h à 18h. L'artiste réfléchit, boit son thé, d'accord, mais tu travailles quand même une heure sur ton œuvre, s'il te plaît. Bon, donc ça fait 140 œuvres par mois, et bien il gagne 3500 euros. Voilà, au pire, les artistes confirmés se disent, bon, ben moi je vais faire 140 œuvres, vite fait, pendant un mois, ça me fait 3500 euros, je regarde si ça marche, après... au lieu de faire des A3 à 4, je fais plutôt des œuvres à 1200. Vous voyez, on vend le style et la signature. Et évidemment, les œuvres, je vous expliquerai comment elles sont sélectionnées. Voilà, maintenant on va voir Bon, pour les artistes, encore une fois, je vous ai parlé de 25%, ce qui peut sembler scandaleux sur une seule pièce. Mais par contre, sur beaucoup d'œuvres vendues, ça fait d'immenses salaires. Hein. Bon, je regarde vite fait. Hein. Donc, je vends 7 œuvres par mois grâce à une force commerciale phénoménale qui valent 900 euros. Non, on va dire un artiste qui vend plutôt du 1200. 1200, c'est quoi? C'est un très beau format Canson. 1200, un beau format Canson A2, A1. On va dire A1, A0 d'ailleurs. A1, A0, 1200 euros chaque format. Il en fait 7. Ok? Il fait 7 formats, ben on lui donne, il fait 7 œuvres d'art sur un format A0, ben il gagne 2950 euros. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais moi ça me prend des jours de faire un format A0. C'est simple, on vend encore une fois le style et la signature. Donc il prend un Posca plus ou moins fin, plus ou moins large, et il vend son style et sa signature. Est-ce que c'est clair? Et donc à terme ça lui fait 2900 euros par mois de salaire quasiment. Après, pareil, comme pour les commerciaux, vous débrouillez pour les charges. La spéculation maintenant, et bon, ça va faire 1 heure déjà, bientôt 1 heure, je vais essayer de faire moins d'une heure, pour la part spéculative. Donc, on voit qu'une location d'une gare, alors, comment je vais vous expliquer ça? Nous allons voir, par exemple, la société a vendu 1000 œuvres, c'est ici, 1000 œuvres à 1400 euros. Bon, 1000 œuvres, c'est vendu dans la semaine, hein. Comprenez-le bien. Pourquoi? Parce que le galeriste attend les vendus, les acheteurs. Nous, déjà, nos commerciaux, tous les jours, avant même que Art Valor existe, ont rendez-vous avec plusieurs clients tous les jours. C'est des commerciaux basés sur l'épargne, le patrimoine. Donc, eux, ont l'habitude de voir des gens. Il crée des réseaux de commerciaux. Bon, il y a des mille et une techniques. Vous savez peindre et dessiner. Vous avez vos techniques. Eux, ont les leurs. Donc, on a vendu, on va dire, 1400... non, on a vendu... C'est où? C'est là. On a vendu 1000 œuvres à 1400 euros. Combien avons-nous pour la spéculation? Voilà. Bonne question, n'est-ce pas? Ben, on a 350 000 euros. Voilà, donc, pour 100 œuvres à 100 euros... on a 2500 euros. Bon, déjà, c'est le prix de la location d'une galerie, vous comprenez. Et par exemple, on va voir le cas extrême. Hein. Le cas extrême, sur la faisabilité d'ailleurs, toujours. Hein. On vend 5000 œuvres à... D'ailleurs, c'est simple, hein, 5000 œuvres, il y a beaucoup d'épargnants. On vend 5000 œuvres à 10 000 euros. Combien avons-nous pour la spéculation? Eh bien, nous avons 12 millions... 750 000 euros. 5 000 œuvres à 10 000 euros, nous avons. C'est beaucoup. Je vérifie parce que... Ah oui, parce que c'est basé sur... Ah! Ouais, bon, voilà. Grosso modo, on a vu... alors, attendez, je vérifie la... Je vérifie parce que... Donc 10 025, oui c'est bien ça, le calcul est bon. Le calcul est bon. Donc vendre 5000 œuvres pour les commerciaux d'ici, c'est extrêmement simple. À 10 000 euros, c'est extrêmement simple. Donc ça veut dire qu'il y aura 12 millions d'euros investis pour la part spéculative. Donc alors ça veut dire, par exemple, la location d'une galerie d'art mensuelle, une toute petite galerie, hein. C'est entre 20 000 et 60 000 euros. La location du Louvre ou d'un grand musée, c'est entre 60 000 et 200 euros. La location, la création d'une petite galerie d'art d'un an ou même permanente, c'est à peu près 800 000 euros par an. Et la création d'une grande galerie d'art, une très grande galerie d'art dans un très bon quartier, etc., compter à peu près 1 300 000 euros, avec un loyer de 70 000 euros, vous voyez. mensuel. Donc 1 300 000 euros, 4 employés, charges comprises, pour 10 000 euros de frais mensuels également. On a vérifié si c'est en mensuel d'ailleurs ici. Je pense que oui quand même. Ouais, c'est x12. Voilà, donc ça fait, on a vu hein, une très grande galerie d'art, c'est 1 300 000, ben là on a déjà 12 millions, ça veut dire qu'on peut créer 12 grandes galeries d'art, toutes les 5000 œuvres vendues, vous voyez, les 5000 œuvres à 10 000 euros. Et ça, évidemment, là, les artistes, autant les artistes sont invités à aller voir avec les commerciaux de temps en temps, les collectionneurs, pour que les épargnants, mais autant les artistes et les commerciaux auront leur mot à dire sur la gestion des galeries d'art, sur la manière dont on exposera, tout simplement, hein, je vais vous dire, le favoritisme ou le chiffre rentreront un peu moins en jeu que la justice. La justice, c'est-à-dire à tour de rôle. Vous voyez, par exemple, ah, c'est pas juste, pourquoi eux exposent dans les grandes galeries qu'on a créées grâce à mon argent, grâce aux 25% que je donne sur la vente de mes œuvres d'art, pourquoi eux exposent dans les grandes galeries et moi j'expose dans les toutes petites galeries louées à la journée. Ben non, justement, on fera une sorte de rotation. Une sorte de rotation. Alors vous allez dire, oui, mais les gens maintenant ils vont aller voir des œuvres d'art qui valent rien. Bon, libre à vous d'aller voir les œuvres que vous voulez. Moi, je sais la valeur de la vie, la valeur de la gentillesse et la valeur des œuvres que l'on proposera. Bon, l'argumentaire, de toute façon, est peinard. Alors, voyons rapidement les publicités dans Art Press. Une quatrième de couverture, bon, je vais aller vite. Hein. Une deuxième de couverture, bon, allez, une quatrième, c'est plus joli. Donc, on ouvre Art Press. Recto, c'est Art Press, verso, on a votre œuvre. Alors donc, pour avoir le budget, hein, encore une fois, comment vous faites? Ben, 25% était basé sur la spéculation, la publicité fait partie de la spéculation pure. Donc il faut vendre à peu près 245 œuvres à 100 euros pour avoir la quatrième de couverture. Voyons voir ici, on vend deux œuvres à 10 000 euros. Eh bien, on a... non, on vend trois œuvres à 10 000 euros, ben, pareil, automatiquement, on a la couverture de Art Press. Alors, comment ça se passe tout ça? Ben, l'artiste le dit. On accumule les gains de l'artiste pour sa valeur spéculative. C'est pas de l'argent à nous, c'est pas de l'argent commercial, c'est l'argent plutôt qui appartient à l'artiste. En fait, c'est 25%, donc en fait, l'artiste... à 25 en cash et 25 en investissement qu'il peut investir dans son œuvre, hein, d'ailleurs. Donc, il a vendu 3 œuvres à 10 000. On lui dit, voilà, ça y est, tu as de quoi te payer la quatrième de couve de Art Press. Voilà, bon, bah, il le fait, peinard. Ou alors, il dit, non, moi, je préfère économiser, avoir un magazine plus prestigieux. Enfin, Art Press est très prestigieux, d'ailleurs. Avoir un magazine plus populaire, standard, pas que dédié à l'art, c'est combien la dernière page de Libé, ben voilà, on lui dit, bon, ben, faudra plutôt que t'attendes de vendre 10, 20, 30 œuvres, etc. Donc, il cumule, puis après, une fois qu'il a cumulé, on lui dit, bon, ben voilà, ça y est, selon ce que tu voulais, on a l'argent, et là, il nous envoie le PDF, enfin, il l'envoie directement à Libération, il a sa quatrième de couche chez Libération et il est content. Comment il fait? Il dit, ben, s'il a dépensé tout son argent, évidemment, il n'y a plus de place pour les galeries d'art, parce que cet argent, il l'a dépensé. Pour créer une galerie d'art, on a besoin de ces 25% spéculatifs. S'il l'a dépensé, il l'a dépensé. Bon, il peut garder une part. Il a gardé, on va dire, 25 000 euros sur un an. Il a 12 000 euros sur un an parce qu'il a dépensé 12 000 euros de pub dans les magazines. Il reste 12 000 euros. On calcule ces 12 000 euros et on lui dit, bon, ben voilà, ces 12 000 euros, voulez-vous les réinvestir dans la formule galerie louée à la journée ou galerie éphémère d'un an ou grande galerie d'art dont on est propriétaire, D'ailleurs, on verra plus tard ça, mais, ou grande galerie d'art, il dit, bon, bah, moi j'économise, j'ai économisé 12 000, je veux faire partie de l'expo dans la grande galerie d'art, etc. Eh bien, ces œuvres, elles, bah, c'est comme si finalement, il payait la galerie d'art, non pas avec du cash, mais il le paye avec ses œuvres, en fait. Pourquoi ? Parce que, comme à chaque fois qu'il a vendu une œuvre d'art, de l'argent a été mis de côté, et bien cet argent, il est stocké et il est réinvesti. Donc ça veut dire que 12 000 euros, grosso modo, hein, il a soit une journée au MoMA ou au Louvre, il a soit une semaine dans une grande galerie d'art prestigieuse, etc., qui lui sont acquises. Et surtout, cela sert aux commerciaux pour faire des ventes sur place, d'ailleurs. Et pour, vous savez, un commercial, il amène tous ses clients au MoMA. Il dit, vous souvenez, l'artiste que je vous ai vendu, ben voilà, il propose cette œuvre, une exposition au MoMA, les gens sont contents, etc. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait ? On refait le bal des pitres, mais de manière cohérente. Le bal des pitres du marché de l'art, qui se croit plus intelligent, plus riche, plus ceci, plus juste, etc. Là, on s'organise entre nous et on fait exactement le même système, sauf qu'on le fait d'un commun accord, avec une logique financière particulière et très équitable pour tout le monde. Voilà. Ensuite, quoi d'autre ? Ah oui, ici on a la force de production et la force de vente mensuelle. Donc grosso modo, je vais essayer d'aller vite, mais entre des œuvres, on prend l'exemple des œuvres qui valent entre 1400 et 1700 euros. Pour avoir 100 œuvres, on a besoin de 5 artistes et de 32 vendeurs. Voilà. Pour des œuvres qui valent 10 000 euros, pour créer... je vais faire le cas extrême plutôt, pour avoir... Ah oui, je vous explique tout ça parce qu'en fait, vous allez vous dire, oui, mais d'accord, la part spéculative, louer le MoMA, etc., à partir de quand c'est possible ? Hein, tout simplement, et là, on va voir non pas en fonction du chiffre d'affaires, mais on va en voir en fonction des individus. Donc, on vend 5 000 œuvres, ça, c'est vraiment les doigts dans le nez, hein. 5 000 œuvres à 10 200 euros. Alors pour faire cela, j'ai besoin de 1300 artistes pour faire 10 000 œuvres. Hein, il en faut des artistes. Hein. Donc j'ai 5 000 œuvres. 5 000 œuvres avec 1300 artistes et 10 000 commerciaux. Ça c'est vraiment, on est dans le cas extrême qui d'ailleurs génère un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, voire plus en fait. On était à 5 000, ouais, voilà, 12 millions d'euros. Enfin, voilà, 12 millions. Je vais dire, à partir de quand est-ce qu'on peut créer une grande, 12 d'ailleurs, 12 grandes galeries d'art. À partir de quand on peut créer 12 grandes galeries d'art, bah, dès l'instant où on a 1300 artistes et 10 600 commerciaux. Grosso modo. Hein. Alors, 10 000 commerciaux, on l'a vu. Il y en a à peu près 40 000 à 50 000 sur le marché. En plus, les artistes peuvent eux-mêmes nous envoyer des gens de leur famille. Vous voyez, un artiste envoie en général, il est capable d'envoyer 3 commerciaux par mois lorsqu'il se décide de faire que ça, ou 3 commerciaux par an. Ben, ça fait déjà, rien que les artistes, eux, amènent 3 000 commerciaux. Ensuite, vous doutez bien que lorsqu'on a 12 millions d'euros, ne serait-ce que pour la part spéculative, à partir de là, on fait des grandes conventions spéciales pour recruter les commerciaux. Maintenant, nous allons passer à la partie art valeur. Alors, en quoi cela peut vous intéresser ? Ah oui, on voit que avec 6 ventes en moyenne pour un prix moyen de 1900 euros. Nous réinvestissons. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà passé un deal avec 350 commerciaux qui sont d'accord pour nous représenter. Nous avons à peu près. Alors, attendez, je regarde si le chiffre a bien été calculé. E278. E278, voilà, donc grosso modo, là, je vous parle de la société Art Valeur et j'aurais fini. Donc, mois par mois, que vous dire. Donc on a déjà ce mois-ci 350 commerciaux qui sont prêts, on a 120 artistes qui sont prêts, on a une capacité de vente de 2000 œuvres d'art qui sont prêtes. On a donc, ça fait à peu près un chiffre d'affaires pour la société qui prend 25%, ne l'oublions pas, c'est pour ça que je vous en parle aussi, hein. Un chiffre d'affaires total de 687 500 euros par mois. On a 68 000 dont on va soustraire à ces 687 000 euros 10% pour payer le matériel. Ça fait que par mois, on a à peu près 70 000 euros. Pour la location des locaux, on a par mois 137 000 euros. Vous vous doutez bien que quand vous avez 137 000 euros de possibilités en loyer par mois, ça va très vite. Ensuite, en coût personnel, ah oui, pour le personnel, c'est combien d'employés? C'est pour 30 employés, nous avons un budget de... il faut 30 employés au moins pour recruter les commerciaux, les artistes, etc. Et puis, il faut des très beaux locaux pour recruter les artistes. Donc, on a 200 000 euros à peu près, 200 000 euros à peu près par mois. Ça fait à peu près un salaire de 2 200 euros par personne, ce qui est moins que les artistes et les commerciaux d'ailleurs. Le capital restant est de 275 euros déjà, vous voyez. Ensuite, on soustrait à cela des charges diverses, vous savez, impôts, etc. On passe à 183 000 euros de charges. Donc le gain réel de la société est de 91 000 euros. Et nous, évidemment, notre but, c'est on ne gagne non pas en rognant sur les marges ou en augmentant les prix, etc. D'ailleurs, en fait, les prix augmenteront puisque les artistes seront de plus en plus professionnalisés et de plus en plus cotés et les commerciaux de plus en plus rodés. Mais nous, notre projet, si c'est évidemment de faire vivre les artistes parce que eux-mêmes embauchent, un artiste embauche un commercial, un spéculateur et un financier, on fait gagner les artistes, on fait gagner les commerciaux parce qu'on leur propose un produit extrêmement rentable avec une très forte commission, et puis on fait gagner les épargnants, les collectionneurs, parce que on réinjecte dans une spéculation très puissante, très logique et qui relégitimise. C'est une vraie révolution, vous voyez, dans le monde de l'art. C'est l'artiste qui décide qui est artiste, et c'est plus les galeristes finalement qui, on l'a vu, sont n'ont pas beaucoup de beauté de cœur en laissant mourir. Allez, si vous ne me croyez pas, tous les artistes, faites toutes les galeries d'art et vous verrez qu'il y en a 7-8 qui sont sympas, qui font ça en dilettante parce qu'ils ont reçu un local, etc. Et ils seront sympas avec vous, mais les autres galeries sont extrêmement durs, hein, reconnaissons-le. Mais je ne veux pas trop les accabler, dans la mesure où tous, en ce moment, sur 80% des galeristes à qui j'en ai parlé, tous veulent travailler avec nous. Tous veulent développer avec nous cette formule. Bon, continuons sur leur collection. Donc continuons, notre but c'est évidemment d'avoir de plus en plus de commerciaux. Ici j'ai fait un développement très sain et très... le plan minimal, vous voyez, c'est-à-dire à peu près 25 commerciaux en plus par mois, ce qui est très très très très très très peu. Donc nous, la société, on va gagner sur le nombre de commerciaux. À terme, sur le plan de base en 4 ans, on aura à peu près 1500 commerciaux, le grand minimum, vous voyez, parce qu'en fait, ils ne sont pas salariés, c'est des indépendants qui sont payés à la commission. C'est comme, comment vous dire, comme Herbalife, vous voyez. Herbalife, j'aime pas trop l'exemple, mais c'est pas que je les aime pas, mais bon... comme Tupperware, voilà, produit très cool. Tupperware, ils ont beaucoup de commerciaux. Pourquoi? Parce que ils les payent pas en salaire fixe, ils les payent à la commission, donc ça leur permet de recruter beaucoup de gens. Donc on a 1500 à terme en 50 mois. La base, le socle, ce sera 1575 commerciaux et la société, donc ça fera la société, donc grosso modo, gagnera en gains réels à peu près 400 000 euros par mois, ce qui fait un total cumulé sur en tout, un mois par mois par mois, la société vaudra 12 millions d'euros en 4 ans. En un peu plus de 4 ans. Donc là, on voit que les 25% qui sont gagnés par la société, c'est beaucoup pour payer le matériel, beaucoup pour payer les salaires, beaucoup pour payer les locaux, et que les gains cumulés, ça fait combien d'œuvres vendues, ça d'ailleurs? Je vais regarder. Voilà, ça fait pas beaucoup d'œuvres, hein. Ça veut dire que il y aura 9 en 50 mois, 9 000 œuvres vendues, c'est très très très très peu. Bon, là, la société, en tout cas, aura un socle de 12 millions d'euros à capital, qui permet. Bon, je vous parle de tout ça parce que si le commerce, vous avez compris, la spéculation, vous avez compris, la société, les 25 autres pourcents qui d'ailleurs payent votre matériel, je le répète encore une fois, en partie d'ailleurs, hein, parce que c'est trop, sinon. Aura une stabilité avec 12 millions d'euros de capital en commençant avec 200 000 mensuels. Vous voyez, donc, au début, c'est combien? Voilà, la société en vrai. D'ailleurs, cet argent-là, c'est pas mon argent, c'est l'argent d'absolument tout le monde. Et les statuts seront clairs, c'est un quart, un quart, un quart, un quart. Vous serez donc actionnaire en tant que commercial, artiste, etc. En fait, non, en tant qu'artiste uniquement, parce que c'est l'artiste qui fait l'effort des 25% et pas le commercial. Donc les artistes seront actionnaires d'une société qui, à terme, gagnera 400 000 euros au bout de 5 ans, 400 000 euros par mois, et d'où qui aura un capital au bout de 50 mois, donc de 12 millions d'euros. Sera actionnaire de cette chose. Voilà. Alors, nous allons voir à présent la partie. D'ailleurs, je suis très clair, hein, les membres fondateurs, évidemment, ceux qui aideront la société Artvalor très précisément. Les commerciaux aident le vendeur aide le commercial et l'artiste. Non, l'artiste aide le commercial aide le vendeur, l'artiste et le commercial aident l'épargnant. Et qui aide à un moment donné la société qui paye tout le temps, tous les frais, qui travaille à moindre coût, qui paye les salaires des employés. Là, je préfère être clair tout de suite parce qu'à un moment donné, moi-même, il faut que je gagne de l'argent et les personnes avec qui je négocie sont des très très grands hommes d'affaires, vous vous en doutez bien. Si je leur dis, voilà, tu vas gagner 1 400 euros par mois et que tous les artistes vont être actionnaires de ta société, et évidemment, les membres fondateurs de Artvalor auront. Sur les capitaux, des parts seront actionnaires beaucoup plus rapidement que les artistes eux-mêmes. C'est tout à fait logique parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura aucune personne, aucun homme d'affaires de très haut niveau à intéresser. Et or, on le sait, hein, c'est comme, voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un veut créer une bombe atomique. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye 100 000 ingénieurs pour lui créer la bombe, un petit salaire fixe, ou alors il paye une seule personne, Einstein, avec un très grand salaire. Bon, bah, il va plutôt payer Einstein avec un très grand salaire, c'est logique. Évidemment, une société comme celle-ci, qui génère des gains très conséquents, doit avoir des hommes d'affaires d'un très très haut niveau pour travailler avec nous. Et eux seront intéressés donc sur ces. Vous savez d'ailleurs, hein, l'intégralité des gains, là, par exemple, est de 222 000 euros. Aller intéresser quelqu'un, un grand homme d'affaires, vous voyez, le capital par mois, j'essaye de vous expliquer assez clairement, mais. Ça, c'est le nerf de la guerre. Autant il faut trouver des bons commerciaux, autant il faut trouver des bons artistes, etc. Autant il faut trouver des très bons gestionnaires, des très bons hommes d'affaires pour mener tout cela à bien. Proposer à 4-5 hommes d'affaires une enveloppe de 144 000 euros par mois, il rigole. Il rigole. Vous voyez donc, ça veut dire que vraiment cette part de gain réel, qui sera le capital de la société, sera encore une fois, ce n'est pas des employés de tous les jours. C'est du stratégique, c'est du lourd, comme on dit. D'ailleurs, en ne le disant plus, c'est les moyens comme expression. Mais intéresser 3-4 hommes d'affaires avec une enveloppe de 100 000 euros par mois, vous savez, eux diront je veux bien te dépanner pendant 1 ou 2, 3-4 mois. Mais c'est temporaire. Mais ensuite, les hommes d'affaires, évidemment, voient des gains beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Et d'ailleurs, on le voit. Les employés ici, au début, sont payés 2 000 euros et à terme, pour les garder, ils sont payés à peu près 10 000 euros par mois. Bon, voilà, là, c'est pas mal. En fait, je me rends compte que j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais tout simplement dû, depuis tout à l'heure, je suis en difficulté parce que tout simplement, j'aurais dû, à partir des gains réels de la société, créer des salaires très hauts pour les gérants. Mais ce gain réel, grosso modo, vous pouvez le gain réel de la société, grosso modo, vous pouvez le diviser par deux et vous dire que les actionnaires, grosso modo, vous le divisez par deux, une partie pour le salaire des très grands dirigeants et une partie pour vos parts en actions en bourse. Vous voyez? Mais on ne peut pas faire, on ne peut pas faire mieux, ni moins, ni plus. Enfin, c'est, bon, je vais l'ajouter au tableau assez rapidement. Voilà, donc on a fait le tour. Le but, évidemment, c'est à la fois, je vais regarder combien de temps j'ai parlé avant de continuer, parce que peut-être que ça se... Voilà, je vais essayer de faire moins d'1 h 20. On fera une petite soirée télé. Alors, on voit que le but, évidemment, c'est de prendre en compte le fait que les artistes ont de l'or dans les mains et que s'ils se mettent au travail en créant des œuvres, ils peuvent gagner de l'argent, que le fait d'être dans la difficulté financière n'est pas une fatalité, au contraire, créer des œuvres, créer, créer, créer, on créera une plus belle collection. C'est aussi de voir que les commerciaux ont beaucoup de mal avec la crise sur les produits financiers classiques, qu'il est très intéressant pour eux de vendre des œuvres d'art d'artistes vivants avec de très bonnes plus-values, etc. Ensuite, on verra que pour les galeristes et les acteurs classiques du marché de l'art, galeries, musées, etc., c'est un véritable à la fois pied de nez qui les délégitimise. Ils sont délégitimisés parce qu'ils laissent crever de faim les artistes, 90% d'entre eux en tout cas, et leurs petits chouchous, enfin c'est ridicule, hein. Je vous laisse même trouver vous-même les arguments là-dessus, mais le monde spéculatif qui va vendre une boîte de conserve avec 3 000 fourmis mortes. Et dire ouais voilà c'est un nom, on spécule sur son nom, enfin tout ça on va un peu à la fois le délégitimiser, pas que par critique, mais pour dire que cet univers de l'art du chant que j'adore, hein, évidemment, l'art de Marcel Duchamp, cet art que j'adore évidemment, ne doit pas être un tout, que l'art universitaire écologien ne représente qu'une très faible partie de la population artistique et de la collection France, etc., etc. Bon, voilà, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter cet enregistrement et je vous souhaite à chacun d'entre vous une très bonne journée, soirée. Nous sommes, où en sommes-nous? Ben, voilà, nous sommes en train de tisser des liens avec des financiers qui vont mettre de l'argent pour mettre en place tout cela, avec des artistes. Il y en a déjà 120. Le taux de réussite de recrutement des artistes, c'est environ aujourd'hui 7, non, ouais, c'est 50-50. 50-50, non, non, non, 4 sur 10. 4 artistes sur 10 aujourd'hui sont d'accord pour travailler dans ces conditions-là, c'est-à-dire de ne toucher que 25 et de réinjecter tout le reste sur une force stratégique et de créer beaucoup d'œuvres et de vendre leur style et leur signature. Donc à peu près 4 sur 10. Dès que la société sera finalisée et commencera à vendre, je pense qu'il y aura à peu près, ce sera, on passera plutôt à 6 artistes sur 10. Et ensuite, une fois que la société commencera à faire des publicités dans Art Press, à avoir des galeries d'art, à prouver par le salaire que nos artistes gagnent beaucoup d'argent, là c'est les artistes qui recruteront les artistes en leur disant écoute, pourquoi tu restes au RSA, pourquoi tu restes au chômage, pourquoi tu restes dans cette société qui te sous-paye, pourquoi tu ne te remets pas à dessiner, à peindre, tu es très doué et ça t'apportera, il y a un vrai réseau de vente, ça t'apportera entre 3000, attendez, je vais vous dire les chiffres, entre 3000 minimum. Enfin, entre 1200, 3000, après 10 000, 28 000, pour les artistes très cotés, c'est combien par mois, quoi. Pour les artistes très cotés, ça c'est pour les commerciaux. Pour les artistes cotés, donc qui fait, on va dire 7. Allez, on va dire qu'il fait 4 belles toiles à. 4 belles toiles à 4000 euros, ça lui fait 9000 et quelques, je crois. Non, à 3000 euros. Ah, oui, c'est pour ça. Donc un artiste qui se dit, je vais faire des œuvres qui valent 1200 euros, ça veut dire qu'il en fait une par semaine, il gagne, là c'est s'il en vend combien ? S'il en vend 4, 1400 euros, il se fait un salaire de 1400 euros, c'est bien. Mais bon, moi, je conseille plutôt, c'est au lieu de mettre une semaine pour faire une œuvre, faire une œuvre par jour, mais très jolie. Hein. Par contre, il y aura une vraie sélection. Et la sélection, c'est pas un intellectuel qui a été boosté à 8 ans d'université et qui va tout de suite être intégré dans un marché de l'art complètement pourri. Qui s'auto-spécule, etc., qui comprendra même pas les mécanismes dans lesquels il travaille. C'est pas un intellectuel comme ça qui sera sélectionné qui sélectionnera les œuvres. C'est évidemment les artistes eux-mêmes qui sélectionneront d'abord les œuvres avec quand même un comité d'artistes, mais c'est fini. Hein. Les intellectuels, eux, feront partie de la partie spéculation, mais pas du tout de la partie sélection. Encore une fois, artist rule, la loi des artistes, rule en anglais, loi, quoi, R-U-L. Donc la loi des artistes, c'est que ce soit les artistes, les 99% d'artistes qui ont été délaissés, c'est eux maintenant qui vont, grâce à une force de vente phénoménale, c'est du jamais vu, c'est eux qui vont sélectionner les artistes et qui vont dire c'est quoi la règle du jeu maintenant. Voilà. Je vous souhaite, messieurs, dames, une excellente soirée, parce que pour moi, il est 7h26. Et je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que vous viendrez travailler avec nous. C'est un médecin lorsqu'il fait ses études, un avocat lorsqu'il fait ses études. Ensuite, entre dans le monde du travail et a un salaire. Et bien voilà, Art Valor fait en sorte que en France et plus tard en Europe et plus tard partout, les artistes, lorsqu'ils finissent leurs études ou qu'ils sont autodidactes, mais lorsqu'ils sont devenus maîtres de leur art, aient un salaire, tout comme les médecins, les avocats, tout le monde. Quoi. Voilà. Le côté maudit, en fait, était un peu dû. Ce n'était pas qu'une revendication sociale, c'était aussi dû au manque de système. Je vous souhaite une très bonne soirée.